Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu bayani shay'in min anwa'i sihr. Donc nous sommes toujours dans le chapitre numéro 24 des détails rapportés sur certains types de sorcellerie. Et on remarque que dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas donné de jugement. N'a pas donné de jugement car il va nous citer différentes sortes de sorcellerie, de choses qui sont faites et qui ont été appelées dans certains textes sorcellerie. Mais tout n'entre pas dans la sorcellerie que nous avons étudiée en chapitre précédent. La sorcellerie dans laquelle il y a la demande d'aide aux shayatines, la sorcellerie qui ne peut être mise en pratique si ce n'est avec le polythéisme et la mécréance. Donc il n'a pas donné de jugement. Car dans ce chapitre, certaines choses entreront dans le polythéisme majeur, d'autres dans les grands péchés, d'autres dans les interdits, et ainsi de suite. Donc il dit « Babu bayani shay'in min anwa'i sihr » On a lu le premier hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم من العيافة والطرق والطيارة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض أو يخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. Donc Al-Iyafa, Al-Tarq, Al-Tiyara font partie du Jibt. Et le sens du mot Al-Jibt, c'est Al-Sihr. Le sens du mot Al-Jibt, c'est Al-Sihr. Et on a vu qu'il y avait une divergence entre les savants quant à l'acceptation de ce hadith, du point de vue de son authenticité. Al-Iyafa, Zajru al-Tayr. Donc Al-Iyafa, c'est le fait d'effrayer les oiseaux, puis de tirer une science de par la direction qu'aura pris ces oiseaux, ou qu'auront pris ces oiseaux. Les Arabes dans le Jahiliya, dans la période islamique, utilisaient cela pour avancer ou non dans une chose qu'ils voulaient entreprendre. Si les oiseaux allaient par exemple par la droite, vers la droite, alors ils avaient une bonne opinion. Dans le cas contraire, ils avaient de la superstition. Donc ils avaient de l'optimisme en voyant les oiseaux aller vers la droite, et du pessimisme s'ils allaient vers la gauche. At-Tarq, c'est le voyant qui fait des traits sur la terre, puis les efface rapidement un par un ou deux par deux et regarde ce qu'il en reste. Et suite à cela, il prétend connaître ou pouvoir connaître les choses du futur, s'il y aura un bien ou un mal pour la personne. At-tiyara, c'est la superstition. At-tiyara, c'est la superstition. At-tasha'ub, bimar'i, aw masmu' aw ma'loum. Donc la superstition suite à une chose que l'on voit, que l'on entend ou que l'on sait. Et on a expliqué que le jibt, c'était al-sihr. Et al-Hassan al-Basri dit « Rannatu shaytan »« Aysawtu » la parole du shaytan, « Da'watu » son appel vers le mal, vers les péchés. ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في الصحيح المسند منه. Ceci n'a pas été traduit dans le livre. Ça reviendra à dire qu'il y a ce texte, mais sans ماذا. يعني que la partie مرفوعة, que la partie qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans les tafasir des pieux prédécesseurs. On s'est arrêté sur ce hadith. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit le prophète, ou bien le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui emprunte une voie, ou bien une des voies des étoiles, aura emprunté une des voies de la sorcellerie. Et plus il en fait, plus sa pratique de la sorcellerie va augmenter. On va expliquer ce hadith apporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission. Man iqtabasa shu'batan min as-sihr. Donc, celui qui emprunte une des voies, plutôt man iqtabasa shu'batan min an-nujum, celui qui emprunte une des voies des étoiles. Man iqtabasa ay man ta'allama. Man iqtabasa signifie celui qui apprend. Celui qui apprend. Man iqtabasa ay ta'allama shu'batan ay juz'an wa qit'atan. Donc une part. Celui qui étudie une part minan nujum, des étoiles. Mal murad bihada ay min ilmin nujum, min at tanjim. Min ilmin nujum. Alladhi yustadallu bihi ala al-hawadith al-ardiyah. Kama za'amu. Donc celui qui étudie, qui apprend une part de la science des étoiles, donc ce qui est voulu ici par une part des étoiles, c'est-à-dire une part de la science des étoiles. Car certains astrologues et devins prétendent que de par la vision et la position des étoiles, qu'elles soient alignées ou non, par exemple, ils prétendent qu'à travers cela, ils peuvent savoir ce qu'il y aura sur la terre. Ils prétendent pouvoir, annoncer l'avenir suite à l'étude de la position des étoiles, des constellations et autres. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui étudie de cette science aura étudié une part de la sorcellerie. فَقَدْ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ أي كُلَّمَا ازْدَادَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ ازْدَادَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ لماذا؟ لأن تعلم علم النجوم من تعلم السحر من تعلم السحر إذن يزيد بزيادته. Donc plus la personne étudie cette science, la science des étoiles à travers laquelle il prétend pouvoir savoir ce qui se passera sur la terre, plus la personne aura étudié une partie de la sorcellerie. Pourquoi cela? Car ceci fait partie de la sorcellerie. Donc plus il étudie de cette science, plus il aura étudié de la sorcellerie. Donc l'auteur nous dit rawahu Abu Daoud bi isnadin sahih. Kadha Ibn Majah wa Ahmad. Lakin dha'afahu ba'd ahli al-'ilm. Certains savants ont rendu faible ce hadith. Certains savants ont rendu faible ce hadith. Et d'autres l'ont affirmé. Donc les étoiles n'ont rien à voir et n'ont aucun rapport avec ce qui se produit sur la terre. Ni dans le bien, ni dans le mal, ni dans la tombée de la pluie ou autre. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui gère l'univers, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Et At-Tanjim, cette science qui est prise par les astrologues, viendra dans un chapitre prochain, Inch'Allah ta'ala, où on y développera cette question. Mais pour le moment, sachez que ilmun nujum, ce qu'on appelle At-Tanjim, se divise en deux. Et ce qui est voulu par ce hadith, c'est une partie donc de cette science. Ilmu ta'thir. Donc la science de ces étoiles, à travers laquelle ils prétendent pouvoir prédire ce qui se passera sur la terre. Donc ils prétendent que les étoiles et la position des étoiles a un rapport avec ce qui se passe sur la terre, comme bien ou comme mal. Par exemple, telle étoile est juste derrière telle étoile, ou bien telle autre, elles se suivent, ça veut dire qu'il y aura un bien pour un tel. Ce genre de parole, batila. Donc on appelle cela ilm al-ta'thir. Al-ta'thir, c'est les effets, parce qu'ils prétendent que ces étoiles ont un effet sur ce qui se produit sur la terre. Et c'est une croyance que les Arabes avaient dans le Jahiliyyah. C'est une croyance que les Arabes avaient dans la période anti-islamique. Wa huwa yastadil ay yastadal bil ahwal al-falakiyyah 'ala al-hawadith al-ardiyyah wa hadha muharram. Bal shirk. At-ta'thir. At-ta'thir. Wa an-naw'u ath-thani 'ilmu at-tasyir. 'Ilmu at-tasyir. Wa huwa ma yustadallu bi 'ala al-jihat wal awqat. Wa hadha ja'iz. Donc la deuxième sorte de science concernant les étoiles, c'est ce qui sert à se diriger ou à se repérer. Et dans ça, il n'y a pas de mal. Dans ça, il n'y a pas de mal. Le fait d'utiliser les étoiles pour savoir la qibla et se diriger, dans cela, il n'y a pas de mal. Mais l'interdiction, elle est dans le fait de penser, d'avoir comme croyance que ces étoiles et leur position, leur état, ont un effet sur ce qui se produit sur la terre. C'est du shirk. Et la deuxième forme, ilm al-tasyir, est permise. Ça permet de s'orienter, de se diriger, de savoir le temps. Ou les moments plutôt. قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran que dans les étoiles, il y a un moyen de se diriger. Comme dans Sourate An-Nahl. Comme au début de Sourate An-Nahl. L'abeille. Donc ça entre dans la voyance. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prend une part de cette science des étoiles, donc ilm al-ta'thir, man iqtabasa shu'batan min al-nujum, faqad iqtabasa shu'batan min al-sihr. Faqad iqtabasa shu'batan min al-sihr. Il aura certes pris une part dans la science de la sorcellerie. Pourquoi cela? Car la science prise des étoiles par laquelle ils prétendent pouvoir savoir ce qui se passera sur la terre entre dans le sihr. C'est une forme de sihr. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit zada ma zada. Puis il augmente sa part de science de l'astrologie ou bien la science des étoiles, plus il aura augmenté sa part de sorcellerie. Car elle en fait partie. إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي ويحذر أن من تعلم ومعناه النهي والتحذير أن من تعلم شيئا من التنجيم وقد تعلم شيء فقد تعلم شيئا من السحر وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلم السحر ذلك لأن التنجيم يعني بالتنجيم يدعى معرفة علم الغيب وهذا الذي يتعامل بالتنجيم يحاول اكتشاف الحوادث المستقلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى عنده في علمه. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, mais en réalité il nous interdit, nous met en garde contre le fait d'apprendre la science des étoiles par laquelle les gens prétendent pouvoir savoir ce qui se passera sur la terre. Car il y a dans cet apprentissage en réalité l'apprentissage de la sorcellerie. Donc plus la personne étudie cette science des étoiles, plus elle aura pris des parts de sorcellerie. Et dans cette étude des étoiles, ces gens prétendent pouvoir connaître les choses de l'invisible et du futur. C'est donc du polythéisme. مناسبه الحديث للباب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان التنجيم نوع من انواع السحر. Donc l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que parmi les formes de sorcellerie, il y a l'étude des étoiles, at-tanjim, l'astrologie. Et souvenez-vous que j'ai dit que dans ce chapitre, on appelle certaines choses comme étant du sihr, et que c'est le sihr qui fait sortir de l'islam. Et d'autres moments, on appelle ces choses-là sihr, mais c'est du point de vue, yani il y a une relation avec le point de vue linguistique. D'accord ? Ici, ce qui est voulu, c'est les deux. Ici, ce qui est voulu, c'est les deux. Car la personne prétend pouvoir savoir ce qui va se passer sur la terre, prétend connaître le futur, et d'autres prétendent même que ces étoiles ont une part dans le Rububiyya. Et décide de ce qui se passera dans les cieux et la terre, c'est le pire niveau. Et on verra inshallah cela en détail dans le chapitre prévu pour ça. Et quelle est la ressemblance entre le sihr et at-tanjim? Car at-tanjim batil la haqiqata lah. إذن يشبه نوعا من أنواع السحر وهو السحر التخييلي. La relation qu'il y a entre eux, car tout ce que va nous citer ici l'auteur dans ces textes, il y aura une relation entre le sihr, d'accord, soit al-haqiqi, soit al-takhyili, soit dans la langue arabe, et ce qui est cité ici. Donc là, est-ce qu'il y a une réalité et une part de véracité lorsque l'astrologue dit telle étoile est collée à telle étoile, donc sur la terre il y aura ça et tu seras riche ou tu seras mort ou tu seras où tu seras? C'est batil, donc c'est tahyil, c'est de l'illusion. Ben c'est ça la ressemblance qu'il y a entre le sihr et l'astrologie. C'est que c'est batil, ça ne repose sur rien, c'est de l'illusion. D'accord ? Comme l'expression en français dirait, c'est du vent. Yani la haqiqata la. Hada batil, la asla la. Car il n'y a aucune base, aucune preuve de cela. Ça ne repose sur rien. Donc celui qui a comme croyance que les étoiles affectent, ont une place dans ce qui se passe sur les, dans les cieux ou sur la terre, ou bien que les étoiles donnent la pluie ou autre, il leur a donné un égal à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ceci est de l'illusion, c'est faux, ça n'a aucune base, et il n'y a aucune preuve de cela. De la même façon qu'un sihr al-takhyili la haqiqatana. Donc il y a le sihr al-haqiqi, il y a le takhyili. Dans celui-ci, l'astrologie ressemble au takhyili, car il n'y a aucune base et aucune part de vérité dans cela. Ma yustafadu min al-hadith, ce que nous pouvons tirer du hadith, tahrimu al-tanjim, alladhi wa ikhbarun min al-mustamada, عن أخبار في المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم. Donc de ce hadith on tire l'interdiction de l'astrologie, la part de l'étude des étoiles à travers laquelle ils prétendent pouvoir savoir ce qui se passera sur la terre, car ceci entre dans le fait de prétendre connaître le futur ou des choses du futur. On tire également de ce hadith que là, cette forme d'astrologie est une part de sihr et que son jugement c'est du shirk qui annule le tawhid de la personne. At-tanjimu min anwa'i sihr al-munafi lit-tawhid. Donc cette forme d'astrologie entre dans les formes de sorcellerie qui annule at-tawhid, yani le tawhid de la personne. Voici pour ce hadith. Puis l'auteur nous dit, rahimahullah, وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. النسائي rapporte d'après le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه que le messager rapporte du Tayyib al-Nasai min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, n'a'am, il rapporte donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait un nœud puis souffle dessus a pratiqué la sorcellerie. Quiconque souffle sur un nœud, puis souffle dessus, quiconque fait un nœud puis souffle dessus aura pratiqué de la sorcellerie. Et celui qui pratique la sorcellerie a commis un acte de polythéisme. Et celui qui s'attache à une chose, il sera délaissé par Allah. Plutôt, celui qui s'accroche à une chose, on le laissera s'en remettre à cette chose. Traduisez ainsi. Et mieux si vous pouvez. Mais ne traduisez pas par il sera délaissé par Allah. Ça, c'est l'explication. Mais wukila ilay, c'est-à-dire qu'on le laisse, on l'abandonnera à cette chose-là. On le laissera s'en remettre à cette chose-là. Idan walinnasai min hadith Abi Hurayrata radiallahu anhu man aqada uqdatan. أي على شكل ما يفعله السحرة. Donc celui qui fait un nœud, c'est-à-dire à la manière des sorciers. ونفث فيها النفث, donc il y a un fa puis un tha, والنفخ مع ريق خفيف وهو دون الطفل ou طفل. ما أدري بالضبط. Les sorciers, lorsqu'ils veulent jeter un sort à la personne et consolider ce mal, et faire en sorte qu'ils soient constants, ils font des nœuds, que ce soit avec un fil ou une corde ou autre, et soufflent dessus. Et soufflent dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait ça, donc qui fait ce que font les sorciers, donc il souffle dessus en poussionnant légèrement avec de la salive. Pas en crachant, mais en poussionnant, en émettant légèrement de la salive. Ça s'appelle un nafs. Comme dans surat al-Falaq. Faqad sahar. Prophète sallam nous dit, celui qui fait ça aura fait du sihr, aura fait de la sorcellerie. Donc celui qui fait ça, pas celui qui souffle sur un nœud pour autre chose. D'accord ? Quelqu'un qui souffle pour vérifier quelque chose, par exemple. Pour une raison ou une autre. On ne va pas dire qu'il a fait du sihr. Là, on parle de l'action des sorciers. C'est compris ? On parle de l'action des sorciers. Une des façons de faire, c'est qu'ils font un nœud et ils soufflent dessus. D'accord ? Donc ils veulent à travers cela ensorceler la personne et faire du mal à la personne. Et lorsqu'ils font ça, ils utilisent des shayatines. D'accord ? Donc se mêlent leur souffle khabith avec leur salive khabith et l'aide du shaytan khabith. Donc il y a un mélange de toutes ces mauvaises choses. Son souffle, sa salive et le shaytan pour tenter de nuire à la personne. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكْ. Et celui qui a commis un acte de sorcellerie aura commis un acte de polythéisme. Donc on voit que le jugement du sihr, c'est du shirk. On voit que le jugement du sihr, c'est le shirk. لأن في ماذا السحر استعانة بالشياطين. Pourquoi? Car dans la sorcellerie, il y a la demande d'aide aux shayatin. Et ça, c'est du sihr. Donc le sihr, la sorcellerie, c'est automatiquement du shirk. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَمَنْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ وُكِلَ إِلَيْنِ. Et celui qui s'attache à une chose, on le laissera s'en remettre à elle. On l'abandonnera à elle. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le jugement du sihr, c'est du shirk. لَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى بِدُونِ الشِّرْكِ. Car on a expliqué que le sorcier ne peut faire ces choses-là, si ce n'est en passant par le shirk et par le kufr. Et celui qui se rattache, s'accroche à une chose, on l'abandonnera à celle-ci. أي من تعلق بشيء واعتمد عليه وكله الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشيء. C'est-à-dire que celui qui ne place pas sa confiance en Allah et n'abandonne pas ses affaires auprès d'Allah, mais plutôt à des créatures, ben Allah tabaraka wa ta'ala l'abandonnera avec ses créatures et le laissera au soin de ses créatures. وَيَتَخَلَّ عَنْهُ. Allah Azza wa Jal délaisse ce serviteur qui n'a pas voulu se rattacher à son Seigneur, qui n'a pas voulu revenir vers son Créateur, qui n'a pas voulu abandonner toutes ses affaires auprès de son Seigneur. Celui qui se dirige vers les créatures et abandonne ses affaires chez les créatures, Allah Azza wa Jal le délaisse avec ses créatures. Et que penser d'un homme qu'Allah Azza wa Jal a délaissé? Est-ce qu'il va réussir quelque chose? مَا ظَنُّكُمْ بِرَاجُلٍ تَرَكَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَلَّ عَنْهُ أَيُّ سَعَادَةٍ يَجِدْ بَعْدَ ذَلِكَ لَنْ يَذُوقَ السَّعَادَةَ أَبَدًا وَلَنْ يُفْلِحَ أَبَدًا لَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ خَذَلَهُ وَلَمْ يُوَفِّقْهُ. Donc, que dire d'une personne qu'Allah Azza wa Jal abandonne car il a choisi autre qu'Allah? Il a abandonné son affaire à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Sans aucun doute, il va perdre et ne sera jamais heureux dans ce bas monde. Donc, non plus dans l'au-delà, car il a choisi autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Si cela se produit avec des choses à la base qui sont permises, voici la rétribution. Que dire alors celui qui abandonne son affaire dans des choses muharrama, comme les sorciers, comme les tombeaux et ainsi de suite. Une personne qui à la base est une cause. Tu ne dois pas rattacher ton cœur à cette personne et abandonner ton affaire auprès d'elle. Tu la prends en tant que cause et tu places ta confiance en Allah. Et tu sais qu'il n'y a qu'Allah qui décide. Mais tu fais les causes. Que dire si cette chose n'est pas une cause? Comme un mort. Hein? Comme ceux qui se rendent auprès des tombeaux et disent ces desseins, ils ont des pouvoirs, ils peuvent nous donner, ils peuvent nous soigner, ils peuvent. Tout ça c'est du shirk. Et c'est la religion de Kuffar Quraysh. Ou ceux qui vont voir les sorciers. Hein? Et ceux qui vont voir les voyants et les devins. Et leur demandent de l'aide en dehors d'Allah Azza wa Jal. Sans aucun doute, ces gens-là, Allah Azza wa Jal les abandonne. Et ils ne réussiront jamais ce qu'ils veulent entreprendre. Amma man tawakkala 'ala Allah wa fawwada amrahu ilayh فالله سبحانه وتعالى كافيه أو حسبنا ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Par contre, celui qui place sa confiance en Allah, celui qui abandonne toutes ses affaires auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors Allah lui suffira dans toutes ses affaires. أليس الله بكاف عبده. Allah dit dans le Coran, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Donc plus tu es un serviteur d'Allah, plus tu reçois cette suffisance. Plus tu concrétises l'humiliation, le rabaissement, l'adoration, le tawhid, l'iman, plus cette suffisance t'est accordée. Allah te suffit dans tout. Dans tes affaires, dans ta dunya, dans ton din, dans ta famille. Dans toute chose, Allah Azza wa Jal te suffit. Il t'aide, il te secourt, il te défend, il t'accorde le bien, il te préserve du mal. Tu trouves tout le bien auprès d'Allah Azza wa Jal, tu trouves la facilité. Wa hakadha. Donc malheur à celui qui s'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala et se dirige vers les créatures. Malheur à celui qui se dirige vers les sorciers, vers les devins et qui délaisse Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui se rattache aux sorciers, aux démons, aux shayatins, il ne trouvera aucun bien, il trouvera que du mal. Il trouvera que du mal. Allah Azza wa Jalla l'abandonnera avec ses mauvaises choses. Et il ne trouvera que de l'égarement et que de l'éloignement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela, yuhadhiruna min hadha al-fi'l, il nous met en garde contre le fait de rattacher nos cœurs à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et de se diriger vers les sorciers. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que parmi les formes de sorcellerie, il y a le fait de faire des nœuds et de souffler dessus. Ce qu'on appelle l'azim. Idhan bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith naw'an min anwa'i as-sihr wa hukmah muhadhdhirun ummatahu min ta'atihi fa yaqul anna min anwa'i as-sihr inna min anwa'i as-sihr an ya'qida al-'aqda fi al-khuyut wa nahwiha wa yanfukhu fi tilka al-'uqd في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق ذلك أن الساحر إذا أراد أن يعمل السحر عقد الخيوط ونفث على العقد حتى ماذا تجتمع يعني رقه الخبيث ونفثه الخبيث والاستعانة بالشياطين ليصيب المسحور بإذن الله الكون القدري Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre ici que une sorte de sorcellerie et nous indique son jugement afin de mettre en garde sa communauté contre cette pratique. Il nous dit donc que parmi les formes de sorcellerie, il y a le fait de faire des nœuds puis de souffler dessus en poustillonnant avec de la salive. C'est ainsi que font certains sorciers lorsqu'ils veulent atteindre une personne avec un sihr. Donc ils les mélangent leur mauvaise salive, leur mauvais souffle, en recherchant plus de ce mal, l'aide des shayatines. Et cela afin de nuire à la personne, mais ça peut se produire qu'avec la permission d'Allah universelle qui a été citée ou écrite dans le destin. مناسبة الحديث للباب بيان نوع من أنواع السحر وهو سحر العقد المسمى بالعزيمة. Donc l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit une forme de sorcellerie, celle qui est faite en faisant des noms en y soufflant dessus. On l'appelle العزيمة. Ce qu'on tire de ce hadith, ما يستفاد من الحديث بيان نوع من أنواع السحر. وهو ما كان بواسطة العقد والنفث نستفيد أيضا أن السحر شرك لأنه استعانة بالشياطين وأن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله. On tire de ce hadith une des formes de sorcellerie qui est le fait de faire des nœuds et de souffler dessus, ce qu'on appelle l'azim. On tire également ou plutôt on tire de ce hadith une des formes de sorcellerie qu'on appelle al-azima, qui se produit en faisant des noms, en soufflant dessus, en recherchant l'aide à travers cela des shayatins. On tire de ce hadith que celui qui abandonne son affaire et compte pleinement sur autre qu'Allah, Allah l'abandonne et l'humilie. Contrairement à celui qui s'en remet pleinement à Allah Azza wa Jal, Allah le préserve et l'honneur. On voit que le sihr est du shirk, car il y a la recherche de l'aide des shayatins. Le hadith suivant, Ali ibn Mas'ud radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qad, ala unabbi'ukum mal'adhu. Vous avez l'idha. C'est une autre lecture. هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. Donc vous écrivez العضه. Donc alif lam عين ضاد avec un سكون sur le ضاد et un ha à la place du تمربوطة. C'est compris. Ici vous avez العضة. C'est ça. العضة. Vous écrivez sur le côté al-adhu, donc une fatha sur l'aïn, un sukun sur le bad et à la fin un ha à la place du ta marbouta. Al-adhu, al-adhu. Et dans une autre lecture, comme c'est inscrit dans votre livre, عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: voulez-vous que je vous renseigne sur العضه? En français, c'est bien écrit. Il s'agit du colportage. An-namima. C'est le fait de propager des propos entre les gens. C'est le fait de propager des propos entre les gens. apporté par l'imam Muslim. Ala adat istiftah lit tanbih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa phrase en disant ala, car c'est un mot par lequel on commence la phrase qui a pour but d'attirer l'attention de l'interlocuteur, car ce qui va être cité mérite son attention. C'est compris? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire leur attention en disant ala hal unabbi'ukum bimal 'adh bi sirati al-istifham. Ensuite il les questionne les tashwiq pour qu'ils recherchent la réponse, car l'homme tout naturellement aime savoir. Donc il ne leur dit pas directement la réponse, mais il transmet cette science sous forme de questions-réponses, afin que cette science soit bien ancrée lorsqu'ils la recevront. Ne vais-je pas vous informer de Al-Adhu? Donc que signifie Al-Adhu? Al-Adhu bima'ana, donc il y a plusieurs sens. Bima'ana al-kadhib, ça vient dans le sens du mensonge. Bima'ana al-sihr, ça vient dans le sens de la sorcellerie. Et c'est ce qui est voulu ici par l'auteur. L'auteur a cité ce hadith ici, car parmi les sens du mot al-adhu, il y a al-sihr. Et c'est ce qui est voulu ici, comme l'ont cité certains savants. Et c'est pour cela que l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre. Parmi les sens donc de Al-Adhu, c'est Sihr. Parmi ceux qui appuient cela, c'est que chez Kuffar Quraysh, ils considèrent Al-Adhu comme étant Sihr. Et bien Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu dit « Kunna na'uddu al-adhu fil jahiliyati min al-sihr » ou bien « Sihr ». Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit « On considérait al-adhu dans la jahiliya comme étant le sihr. » Puis il a dit « Wa araha fikum al-yawm al-qala » et aujourd'hui je la vois présente entre vous comme étant le colportage. Et le fait de beaucoup parler en semant la discorde entre les gens. Et ça a des effets semblables à la sorcellerie. Comment vous utilisez votre langue au jour d'aujourd'hui, ça a des effets semblables aux effets du sorcier lorsqu'il divise les gens. Lorsqu'il divise entre l'homme et son épouse. C'est ça l'explication. Ça viendra, Inch'Allah. Donc le sens du mot Al-Adh, c'est Al-Sihr ici. Ça vient, sinon ça vient dans le sens aussi de Al-Buhtan, Al-Kadhib. Alors qu'avec la Kasra, Al-Idwa, c'est Al-Qat'a ou Al-Tafriq, c'est la séparation. Et certains ont lu le hadith ainsi. Mais la plupart des gens du hadith l'ont lu Al-Adhu. Donc le sens de Al-Adhu, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est Al-Sihr. Ala unabbi'ukum bimal'adh, ne vais-je pas vous informer? Voulez-vous que je vous enseigne sur Al-Adh? Il s'agit, puis le prophète sallam nous dit, pour expliquer Al-Sihr, donc, il s'agit du colportage. Il s'agit du colportage. Hiya namima. Al-Namima. Al-Namima. Naqlul akhbar bayna an-nas ala wajh al-ifsad. Al-Namima. Le colportage est défini comme étant le fait de transmettre des informations entre deux groupes ou entre deux personnes, entre deux parties, afin de semer la discorde entre eux. C'est compris? Al-Namima, naqlu, naqlu l'akhbar, bayna an-nas, li'iqa' al-fitna, baynahum. Donc, al-namima, naqlu al-hadith ala wajh al-ifsad. C'est le fait de transmettre des informations entre plusieurs groupes afin de semer le désordre et la discorde entre eux. Donc, celui qui prend des informations de personnes pour aller les répéter à d'autres personnes afin de semer la discorde, la haine, la division et ainsi de suite, voici celui qu'on appelle un namam, celui qui a fait le colportage. وهذا الفعل من كبائر الذنوب النميمة le colportage a pour jugement que c'est un grand péché. Et ça, c'est si c'est la vérité. Et dans le cas où il dit la vérité, on appelle ça namima. S'il a menti, on appelle ça le buhtan. Et ça entre aussi dans ce grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, la yadkhulu al-jannata qattat bitta. Et j'ai dû le dire plusieurs fois avec le ta, mais un frère m'a corrigé, jazahullahu khayra. La yadkhulu al-jannata qattat. N'entrera pas au paradis al-qattat. Que veut dire qattat? Namam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, n'entrera pas au paradis celui qui colporte les propos des gens. Donc celui qui reste avec tel groupe, qui écoute puis repart dans tel groupe et répète et ainsi de suite, afin de semer la discorde entre ces deux groupes, le prophète sallam dit que le menace de ne pas entrer au paradis. Ça montre que c'est un grand péché. Dans la version de l'imam Muslim, la yadkhulul jannata namam. Le colporteur n'entrera pas au paradis. Donc ça nous montre quoi? Que c'est un grand péché. C'est une menace. Et la aqidah d'Ahlus Sunnah, c'est que ce genre de texte est expliqué en disant qu'il est menacé d'entrer dans le feu. Il est menacé d'entrer en enfer. Si Allah veut, il lui pardonne. Et si Allah veut, il lui donne cette rétribution. Puis, sa finalité sera le paradis s'il est mort sur, il est mort sur l'islam. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité avant ça وَالْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ. C'est le fait de propager des propos entre les gens. وَالْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ أي كَثْرَةُ الْقَوْلِ إِيقَاعِ الْخُصُومَةِ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا يَحْكِي لِلْبَعْضِ عَنْ بَعْضِ. Donc وَالْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ, c'est-à-dire le fait de proférer de nombreuses paroles aux gens les uns sur les autres. Prends les paroles d'un côté pour les répéter de l'autre côté, afin de diviser ces gens et de faire en sorte qu'il y ait une dispute entre eux. Al-qalatu bayna an-nas. Pourquoi est-ce que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a cité ce hadith ici? Yana an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bayyana anna an-namima naw'un min anwa' al-sihr. Car le prophète sallam nous montre dans ce hadith que an-namima, le colportage, c'est une des formes du sihr. C'est une forme de la sorcellerie, parmi les formes de la sorcellerie. Est-ce que c'est la sorcellerie qui fait sortir de l'islam? Est-ce que c'est la sorcellerie dans laquelle on recherche l'aide des shayatines? Est-ce que non. Donc en quoi il y a une ressemblance entre an-namima et al-sihr? D'accord? Vous vous souvenez ce qu'on a dit auparavant? Que dans ce chapitre, l'auteur a mis ce chapitre car il va nous montrer que certaines choses sont appelées sihr, mais ce n'est pas le sihr auquel on pourrait penser. En quoi un namam a ressemblé au sihr? Ou bien que namima a ressemblé mada, un namam a ressemblé au sahir. Et que mada, le colportage a ressemblé à la sorcellerie. Naam? Ça vient juste après. Là, on veut autre chose. Ça vient juste après. Car il y a un effet qui se produit et qui est caché et subtil. Al-sahir, lorsqu'il fait son sihr, c'est en public ou caché? Les effets sont cachés ou au vu de Mada à la vue de l'ensemble des gens. C'est caché. Un imam pareil. Il ne va pas parler au deuxième groupe devant le premier groupe. Il fait ça en cachette. Il reste avec le premier groupe. Puis il s'éloigne et il va parler aux autres. Comme El Munafiqoun. Il reste avec les croyants, ensuite ils vont avec les autres. Vous voyez ? Donc, il y a une ressemblance avec Mada, Al-Sihr, parce que c'est caché. Il y a une ressemblance avec Al-Sihr, car c'est caché. Deuxièmement, yaf'alu ma yaf'alu sihr. Deuxièmement, dans les faits, le nammam, avec son colportage, fait la même chose que le sahir avec sa sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent entre les bien-aimés. Ils divisent entre ceux qui sont unis. Comme Allah nous dit, فَلَا تَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Allah Azza wa Jal nous parle que parmi ce que font les sorciers, parmi les effets du sihr, le fait de séparer entre l'homme et son épouse. Donc les points de ressemblance entre le colportage et la sorcellerie, le colporteur et le sorcier, c'est que مَذَا يُفْسِدُ بِتَرِيقَةٍ خَفِيَّ. C'est que le sorcier sème le mal en cachette, par des voies secrètes et cachettes, et Mada est caché. De la même façon que le colporteur, il fait du mal de manière, d'une façon qui est cachée. Naam. Deuxièmement, min jihati ta'thir, at-tafriqatu bayna an-nas. Donc dans la façon de faire, c'est caché. La deuxième forme de ressemblance, c'est dans l'effet, le fait de séparer entre les gens. Donc le sorcier sépare entre les gens, de la même façon, le colporteur sépare et divise les gens, et fait entrer la haine entre eux. Tu peux voir des gens unis, des groupes unis, des frères unis, des gens qui s'aiment pour Allah Azza wa Jal, et un mufsid, un pervers parmi les gens, entre dans ce groupe. Il sème, subhanallah, un désordre pas possible avec sa langue. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste assis avec un tel. Tu trouves Mohammed et Abdullah les meilleurs amis. Un tel rentre dans ce groupe, et il entend une parole ou invente une parole, et il va voir l'autre et il lui dit, il parle sur toi. Il te montre ce visage-là, mais en vrai, il t'aime pas. Et il va voir l'autre, peut-être qu'il lui dit la même chose. Et khalas, ces deux personnes se détestent. Après avoir peut-être voyagé ensemble, étudié ensemble, wahaka. Ça, c'est le namman. Il fait un mada, où il produit comme effet ce que produit le sorcier. Ou pire encore, Yahya ibn Abi Kathir, ou bien Yahya ibn Kathir, rahimahumullah, a dit, inna namman, يفسد في الساعة ما لا يفسد الساحر في ساعة في سنة وفي رواية في شهر. Un des plus prédécesseurs a dit, le nammam, celui qui colporte les paroles d'un groupe à un autre pour les diviser, ramène comme mal et désordre en une heure ce que n'amène pas comme mal et comme désordre le sorcier en un an. Hein? À cause d'un ammam, il peut avoir une guerre entre deux pays. Il peut avoir une division entre dans un grand groupe. Il peut avoir des divorces. Il peut avoir des grandes disputes. Le sang peut couler à cause d'un pervers de la sorte. Et les bien-aimés se détestent. Wahakadha. Et dans une autre de ses paroles, ou bien dans une autre version de sa parole, en un mois. Il y en a un homme en parlant, peut faire plus de mal que le sorcier dans un long moment. Le sorcier va faire du mal à telle personne, dans un mois à telle autre personne, ou à Hakada par exemple. Et le namam, en parlant quelques fois, il peut détruire un mujtama entier. Sinon, sans aucun doute, la sorcellerie, c'est pire. Et ses effets sont plus nocifs. À ne pas comprendre que il a voulu montrer que la sorcellerie n'était pas grave. Bien au contraire. Il a voulu montrer que Nama ramène beaucoup de mal dans la société. C'est cela qu'il faut comprendre. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من إفساد العلاقات بين الناس. Donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم veut mettre en garde sa communauté contre tout ce qui peut corrompre et affecter notre fraternité, la relation qu'on a entre nous. Et parmi ces choses, le fait de colporter, le fait de prendre les paroles d'un groupe et d'aller répéter cela dans un autre groupe afin de semer le désordre entre eux. Donc, an-namima, c'est lorsqu'il y a cette volonté de désordre et de mal. Par contre, celui qui prend une parole et qui va la répéter ailleurs, mais pas avec cette intention, par exemple pour vérifier ou parce qu'il y a un bien, une maslaha, on ne va pas dire que c'est un amman. Une maslaha shar'iyya, que les textes permettent de faire ça, alors on ne dira pas que c'est un amman. D'accord ? Certaines personnes trichent et sèment leur venin, leur poison et leur innovation et disent maintenant ils font un cours en privé ou dans la nuit et disent personne ne doit répéter ça. Ils mettent des qawa'id hizbiyya et disent personne ne doit répéter ça. Parce qu'il sait qu'il est dans le bâtel, il sait que si les gens de science entendent cela, ils vont voir qu'il est dans le faux. Et le débutant qui est assis se dit, mais si je répète, c'est de l'amnamima. Hein? Non. Dans ce cas-là, c'est obligatoire de dénoncer cette personne qui trompe les musulmans, qui trompe les ignorants, afin de pouvoir mettre à l'abri les musulmans de son mal et de ne pas le laisser propager son venin dans les rangs des musulmans. Et certains parmi les plus prédécesseurs disaient, si vous voyez des gens se réunir à part, d'accord, dans des choses religieuses et autres, sachez qu'ils sont en train d'ouvrir une porte. Ils sont en train de préparer quelque chose de grand. Ils sont en train de préparer quelque chose de mal. D'accord ? La vérité, tu veux la dire en public. Tu veux appeler autant de personnes que tu peux. Ça ? Pourquoi tu vas te cacher ? Pourquoi tu vas dire c'est interdit de répéter le dars ? Il n'y a que chez les innovateurs que tu trouves ça. Pourquoi ? Car ils parlent sur les gouverneurs, car ils parlent sur les savants, car ils parlent sur leurs frères, car ils sèment le désordre. Donc forcément, ils ne veulent pas que ça se sache. Allah musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met grandement en garde contre ce péché. Et il a demandé aux compagnons, sous la forme de questions-réponses, il leur a transmis cette science sous la forme de questions-réponses, en leur demandant ce qu'était Al-Az, c'est-à-dire le sihr. Puis il a répondu lui-même en disant que c'est Namima. Répéter les paroles d'un groupe à un autre afin de faire une dispute, de causer une dispute entre eux. Donc il fait ainsi l'action du sorcier en divisant entre les gens. Il atteint son but de manière cachée, tout comme c'est le sens du mot as-sihr. Voici pourquoi l'auteur a cité ce hadith ici. Parmi les formes de sorcellerie, il y a an-namima sin kabira min kaba'ir adh-dhunub. Ce qu'on tire de ce hadith, an-namima naw'un min anwa' as-sihr. C'est que le colportage est une forme de sorcellerie. لأنها تفعل ما يفعل السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بينهم بطريقة خفية. Car ça cause les effets de la sorcellerie, ça divise entre eux les gens d'une manière cachée. لا أن النمام يأخذ حكم الساحر. Et il ne faut pas comprendre que celui qui fait le colportage prend le jugement du sorcier. Que c'est un kafir ensuite, non, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Mais on a appelé an-namima sihr, car c'est fait de manière secrète, cachée, et également ça a les effets de la sorcellerie, ça divise. On tire de ce hadith tahrim al-namima, l'interdiction du colportage. On tire de ce hadith que namima est une kabira, c'est un grand péché. On tire une façon d'enseigner et de transmettre la science, les questions-réponses. C'est pas toute la science qui se transmet ainsi, mais c'est une forme d'enseignement. D'accord ? C'est une forme d'enseignement. L'enseignant pose des questions que les élèves aient la capacité de trouver la réponse ou non. D'accord ? Que les élèves aient la capacité de trouver la réponse ou non. Puis, l'enseignant donne la réponse. Ça, c'est une grande forme d'enseignement. Et le prophète sallam l'a grandement utilisé. Et le hadith le plus connu, le plus grand hadith du prophète sallam, Umm Sunnah, hadith Jibril, hadith Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, Jibril est venu à poser des questions. Il a posé des questions, il a demandé sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan, sur alamat as-sa'a. D'accord ? Et dans de nombreux ahadiths, le Prophète sallam posait des questions aux compagnons en sachant qu'il n'avait pas la réponse. C'est une manière d'enseigner. Les gens vont chercher et vont grandement attendre la réponse. Et lorsqu'ils l'entendront, ils ne l'oublieront pas. C'est une façon d'enseigner. Où tu donnes la question et tu donnes la réponse que plus tard. Un jour après, deux jours après, trois jours après, wahaka. Afin que la personne vraiment espère l'ilm. Parce que l'ilm, il ne faut pas le déposer n'importe où. Tout comme Allah Azza wa Jalla ne donne pas la science à n'importe qui, il ne dépose pas cette science dans le cœur de n'importe qui. De la même manière, toi, tu ne transmets pas cette science à n'importe qui. Et selon le comportement de l'étudiant, le savant transmet la science. Certains savants, Cheikh Salah Al-Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, a dit: par moments, j'allais dans des mosquées où j'étais invité pour une conférence et je ne voyais personne écrire. Alors je n'avais pas de grande motivation à, comme on pourrait dire, me surpasser dans la conférence. En gros, il donnait ce qu'il fallait donner, puis il repartait et il n'avait pas grandement envie de revenir dans cet endroit. C'est dû à quoi ? C'est dû au comportement des étudiants. Alors que si le savant voit que l'étudiant note, qu'il pose des questions, qu'il se tient bien, qu'il est intéressé et qu'il demande sur ce qu'il ne comprend pas et qu'il demande plus, alors forcément, yani, il donne plus et est plus motivé. Wahakadha. Le dernier texte cité par l'auteur, donc Rawah Muslim, le hadith qu'on vient de lire, rapporté par l'imam Muslim. Walahuma عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Donc ولهما البخاري ومسلم كابن عمر donc عبد الله fils de عمر رضي الله عنهما rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: dans une partie de l'éloquence, il y a de la sorcellerie. Une partie de l'éloquence fait partie de la sorcellerie. Certes, une partie de l'éloquence fait partie de la sorcellerie. Inna minal min huna littab'id. إن من البيان أي من البلاغة والفصاحة يعني لا كل البيان بل بعض لا سحرا سحرا اسم إن أي يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a dans l'éloquence, c'est-à-dire une partie de l'éloquence, pas toute l'éloquence, mais une partie de l'éloquence, fait partie, donc c'est le fait de bien s'exprimer, le fait d'être éloquent, fait partie de la sorcellerie. C'est-à-dire, a comme effet les effets qu'on peut trouver dans la sorcellerie. Et parmi ces effets, il y a quoi? Le fait de faire percevoir aux gens le vrai comme étant le faux et le faux comme étant le vrai. C'est en ça la ressemblance entre l'éloquence et la sorcellerie. Dans ce chapitre, à chaque texte, il faut vous poser cette question. En quoi ce mot sur lequel on attire notre attention a une ressemblance avec Esser? C'est compris? En quoi ce mot sur lequel on attire notre attention a une ressemblance avec Esser? Est-ce que c'est Ma'ad al-Sihr al-Haqiqi, dans lequel il y a une demande d'aide aux shayatin, et c'est du kufr? Est-ce que c'est Sihr al-Takhyili, qui n'a aucune part de vérité et que c'est en réalité une tromperie, c'est également du couple? Est-ce que Mada, c'est dans les effets cachés? Est-ce que c'est dans la manière de le faire? C'est caché. Est-ce que c'est dans les effets? Ça fait du mal, ça divise les gens. Et ici, pour ce dernier hadith, c'est quoi? C'est dans le fait de tromper les gens, de duper les gens et de changer à leurs yeux et à leurs oreilles ou leur cœur la perception du bien et du mal. Et celui qui parle bien, qui s'exprime bien, arrive par moments à tromper les gens, au point où les débutants, ou bien les ignorants, ou bien ceux qui se sont fait tromper, perçoivent un mal évident comme étant un bien qui les rapproche du paradis. Ils défendent ce mal, ils se disputent pour ce mal et sèment le désordre. Et lorsque tu discutes avec lui, tu vois qu'il est convaincu suite à un discours qu'il a entendu, suite à une assise qu'il a eue avec des gens du mal, mais qui avait cette éloquence. Donc, tout comme le sorcier arrive à faire mada, cette illusion, cette tromperie et à duper les gens, par exemple avec Sihr al-Takhyili, de la même façon, la personne qui est éloquente dans le mal réussit à changer la vérité, ou bien du moins la faire percevoir comme étant le faux, et vice-versa. Aussi, c'est une fitna pour les gens et trouble le cœur des gens, comme le sahir trouble les yeux des gens. Donc, la personne qui est éloquente peut faire les actions ou une action qui est semblable aux actions des sorciers, changer la vérité comme étant du faux et le faux comme étant la vérité. بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعا من انواع السحر وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة لما يحدث المتكلم من الاثر في قلوب السامعين وأسماعهم حتى ربما صور الحق باطلا وكذلك العكس كما يفعل الساحر أو السحر والمراد في هذا الحديث ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une des formes de sorcellerie qui est l'éloquence. L'éloquence, le fait de bien savoir s'exprimer et de toucher les cœurs avec ses mots et l'ouïe des gens. Car lorsque cette personne s'exprime, il trouble le cœur des gens, affecte ces personnes au point où certaines d'entre elles peuvent percevoir le vrai comme étant le faux et le faux comme étant le vrai. Et ce qui est voulu dans ce hadith, c'est le fait de blâmer cette forme d'éloquence, celle qui est utilisée pour tromper les gens et changer le vrai comme étant le faux et le faux comme étant une chose vraie. C'est clair? C'est clair? ما يستفاد أو مناسبة الباب مناسبة الحديث للباب فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو بعض البيان ما يستفاد من الحديث بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي في تمويه والتلبيس، ذم هذا النوع من البيان. أما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une forme de sorcellerie qui est l'éloquence. On tire de ce hadith que parmi les formes de sorcellerie, il y a donc une partie de l'éloquence, celle qui est utilisée afin de changer la perception des gens du bien et du mal, c'est-à-dire de tromper les gens dans leur perception du bien et du mal. On voit le mal ou bien le blâme adressé à ceux qui font cela. Et que dans une partie de l'éloquence, il y a du mal. Une partie seulement, pas toute l'éloquence est considérée comme mauvaise et de la sorcellerie. Par contre, l'éloquence qui sert à la personne pour propager la vérité, pour raffermir les gens de la vérité, pour débattre et repousser le mal et démontrer le caractère faux du mal, alors ceci est louable. Et on encourage, la religion encourage à faire cela. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et dit-le, c'est-à-dire il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux hypocrites, dit aux mauvaises personnes, yani exhorte-les et dis-leur des paroles très éloquentes. D'accord ? Fais-leur peur d'Allah en leur parlant de manière éloquente. Qala ibn Kathir, بكلام بليغ, avec des paroles éloquentes. Et d'autres ont dit parmi mufassirun mu'athir, des paroles qui touchantes, des paroles éloquentes. Donc on comprend quoi de cela? Qu'il y a deux types d'éloquence. Une éloquence qui est au service du bien, qui propage et véhicule le bien, qui repousse le mal, et une éloquence qui est au service du mal, qui trompe les gens. Donc une partie d'éloquence est blâmable et l'autre est louable. À l'image de ulama dalala, les savants de l'égarement, ou bien du'at al-fitna, ceux qui prêchent et appellent les gens au trouble. Certaines personnes les écoutent et disent, leurs paroles me plaisent, ça me touche. Ils parlent bien, ils s'expriment bien. Mais est-ce que le fait de bien s'exprimer est suffisant pour être sur la vérité? Non. Hein? C'est pas suffisant. Il se peut qu'une personne en dehors de l'islam s'exprime de la meilleure façon. C'est-à-dire avec des paroles éloquentes. Est-ce que pour autant on dit d'elle qu'elle est sur la vérité? Non, elle est dans le bâté. Elle est dans le bâté. Ah, kaza barakallahu fikum, wafaqana Allah wa iyyakum. As-Allah azza wa jal, bi asma al-husna wa sifati al-ula, ayyamunna alayna bil-ilm al-nafi' wa bil-amal al-salih. Amas'alu tabaraka wa ta'ala yubarika fi ilmina. وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا إن ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.